longtemps, la conquête spatiale a été nourrie à la compétition géopolitique internationale entre deux blocs, les Américains d'un côté, les Russes de l'autre. Et puis l'Europe est venue se glisser entre les deux, les relations se sont détendues et l'heure de la coopération internationale a sonné. Mais aujourd'hui, la Chine, d'une part, a indiqué avoir pour ambition de devenir la première puissance spatiale d'ici à 2049 pour le centenaire de la République populaire, et l'Inde, de l'autre côté, développe un programme à bas coût avec pour ambition d'envoyer des humains dans l'espace d'ici 2022. Alors la guerre des étoiles s'apprête-t-elle à vivre sa deuxième saison ? L'espace made in Asia, c'est le problème dans lequel nous allons nous propulser dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette nouvelle ère de la multipolarité spatiale, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Isabelle Sourbès-Verger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, directrice de recherche CNRS au centre Alexandre Coiré. Vous êtes autrice, entre autres, d'un empire très céleste, la Chine à la conquête de l'espace, c'est chez Dunod. Et nous devrions être rejoints, si tout se passe bien d'ici peu de temps, par l'administrateur des relations internationales de l'Agence spatiale européenne, Carl Bergquist, qui est avec nous normalement depuis Danemark, depuis Copenhague au Danemark, mais pour le moment la connexion a un peu de mal à se faire, on espère pouvoir le retrouver dans les minutes qui viennent. Vous pouvez nous suivre eh bien, comme chaque jour en direct sur les ondes de France Culture, en différé sur le site franceculture.fr ou en podcast sur votre application préférée et comme toujours en complément via notre fil Twitter où nous allons poster comme chaque fois des schémas, des études et un certain nombre de références pour compléter votre écoute de l'émission, c'est sur le fil @laméthodefc. Alors pour commencer, retour en arrière, 1970. Ah, on me fait signe que nous avons réussi à établir la liaison avec Copenhague. Bonjour Carl Bergquist. Bonjour monsieur. Vous m'entendez ? Oui, vous entends très bien. Parfaitement. Merci. Bon, mais je rappelle donc que vous êtes l'administrateur des relations internationales de l'ESA. Vous êtes en duplex donc depuis les studios de nos confrères de la Danish Radio à Copenhague. Je le disais à l'instant, vous arrivez pile au bon moment puisque retour dans le passé en 1970, l'homme américain a marché sur la Lune il y a à peine un an, qu'une musique nouvelle résonne dans l'espace à proximité de la Terre. Écoutez cette archive du journal de France Inter. Nous sommes le 25 avril 1970. Bonsoir. Depuis hier après-midi, mais on ne le sait que depuis 2 heures de l'après-midi aujourd'hui, il se passe quelque chose de nouveau dans l'espace. De la musique entoure notre Terre. Cette musique, c'est en somme le chant de victoire de la science chinoise qui a mis en orbite son premier satellite. D'ailleurs, écoutez cette musique. C'est le thème du chant révolutionnaire maoïste Tung Fang Hung, dont voici d'ailleurs les paroles. L'Orient est rouge, le soleil se lève, Mao Tse-Tung apparaît à l'Est, le parti communiste est comme le soleil, il illumine là où il brille, etc., etc. C'est à ma connaissance la première fois qu'un satellite quelconque signale son passage avec autre chose qu'un vulgaire bip-bip. Voilà le 25 avril 1970, le premier succès chinois en matière de programme spatial, peut-être une réaction. 1970, la Chine a une vingtaine d'années de retard sur les deux grands programmes spatiaux et pourtant on est encore en plein dans la guerre froide, Isabelle Sourbès-Verger. Oui, et surtout la Chine est en pleine révolution culturelle. Et ça, c'est un élément qui va beaucoup structurer le devenir du programme spatial chinois. Alors, le programme spatial chinois a son origine, si vous voulez, dans le retour d'un certain nombre de scientifiques et d'ingénieurs qui ont été chassés des États-Unis par le maccartisme. Et entre autres, Tien, qui est sans doute le père du spatial, ou en tout cas la personne le plus connue, d'autant plus qu'il a vécu très longtemps, et qui au départ, si vous voulez, un peu comme Von Braun ou comme d'autres grands personnages du spatial, était impliqué dans la culture des missiles et dans le développement des nouveaux missiles. Et quand il arrive en Chine, il arrive dans un pays complètement arriéré. Il n'y vient pas de sa propre volonté, hein. Il y vient vraiment parce qu'il est complètement mis sur la touche par le maccartisme. Et il commence d'ailleurs par traduire en chinois les ouvrages qu'il a pu ramener des États-Unis et qui sont vraiment des ouvrages de début de formation de toutes les sortes d'ingénieurs. Mmh. Et la difficulté pour la Chine à cette période-là, dans les années 60, c'est aussi bien de produire... Oui, on est à la toute fin des années 50, là. Hein. Oui, on est remonté encore dans le temps. On est remonté dans le temps. Et bon, mais un programme spatial, ça met du temps à se mettre en place. Et encore plus en Chine, où finalement, vous n'avez aucune production industrielle. Vous ne savez pas produire des matériaux qui vont pouvoir résister assister même au booster du lanceur, etc. etc. Et du coup, en pleine révolution culturelle, vous avez une vraie énorme difficulté qui est que finalement, Tienne lui-même est amené à servir à la cantine parce qu'il faut recycler les intellectuels, leur redonner le goût du travail. Et pour sauver en quelque sorte le programme spatial, et bien finalement, il va être mis sous le contrôle de l'Armée populaire de libération, sous la PLA, ce qui n'était pas initialement évident, de façon à ce que les chercheurs et les ingénieurs aient à peu près 40% de leur temps qu'ils puissent consacrer au spatial. Donc ce triomphe de 70, c'est aussi le triomphe contre l'adversité intérieure de la Chine. Et on verra qu'il va falloir du temps pour la Chine pour vraiment réussir à mettre en place un véritable programme spatial, une vingtaine, une trentaine d'années de retard. Peut-être une réaction aussi, Karl Bergquist, à cette volonté d'introduction très très symbolique de la Chine dans la guerre spatiale qui dans la guerre aérospatiale et qui se passe en ce moment en 1970 encore entre les deux principaux blocs. Oui, je crois que c'était évidemment les Chinois suivaient de près ce qui se passait aux États-Unis, en Union soviétique, et il y avait deux thèmes, exactement comme disait Isabelle, notamment il y avait le spatial, il y avait aussi le nucléaire, et il y avait les fusées. C'était trois domaines qui étaient semi-protégés et qui n'ont pas souffert de la même manière que les autres domaines en Chine pendant la révolution culturelle. Alors on va s'intéresser aux deux programmes, au programme de la Chine et au programme de l'Inde principalement. On parlera évidemment certainement du Japon et des autres puissances spatiales au passage, mais pour arriver à aujourd'hui avec tout de même un mot d'introduction sur ce qui sera la deuxième partie de notre conversation. Aujourd'hui, deux puissances, deux objectifs, deux programmes spatiaux très différents, Isabelle Sauvage-Verger, mais qui vraiment remettent une forme de multipolarisation dans une sorte de tension géopolitique qui s'était un peu apaisée dans les années 90-2000 avec ces grands programmes de coopération internationale. Oui, alors en même temps, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment de la tension géopolitique. Je dirais plutôt que c'est de l'émulation ou de la concurrence avec un arrière-plan médiatique qui est très très fort, parce que le programme indien, on y reviendra, mais il est complètement différent. C'est-à-dire qu'effectivement, il est purement civil, il est découplé du programme de missiles, même si un des grands ingénieurs du spatial indien fera aussi derrière du missile, mais c'est vraiment une démarche complètement différente. Il est propulsé, pour faire un mauvais jeu de mots, par un scientifique qui est un scientifique pur et dur, qui est un physicien du rayonnement, et puis surtout, il va bénéficier de la coopération internationale. Donc, le spatial indien, il est à visée d'application pour aider au développement de l'économie indienne, pour lui permettre de sortir de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde. Et en plus, il va jouer, surtout en utilisant sa situation de pays non aligné, il va jouer avec la Russie, il va jouer avec l'Europe, il va jouer avec les États-Unis. Et d'une certaine façon, il aura des performances qui vont être, au moins dans les débuts, en termes d'application supérieures aux performances chinoises. Là, en revanche, il est vrai qu'il n'a pas la même autonomie et n'a pas les mêmes ambitions. Et du côté de la Chine, Karl Bergquist, en revanche, il y a une vraie volonté affichée, je le disais dans l'introduction, de devenir la première puissance spatiale, de supplanter les États-Unis. Tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Ce qu'on voit, alors, dépasser ou être à niveau, difficile à dire, mais c'est clair que quand on regarde les investissements que les Chinois ont fait les années 90 et qu'ils ont continué à faire les années 2000, et avec la multitude de programmes que nous voyons aujourd'hui, entre le programme d'exploration et le programme de vols habités, c'est clair que ils vont devenir les plus grands ou entre les plus grands avec les États-Unis dans quelques années, parce que c'est une vraie volonté avec énormément d'initiatives, que ce soit au niveau étatique, provincial, et aussi beaucoup de petites initiatives privées qui commencent à voir, on n'a pas encore vu le fruit de ces initiatives, mais ça ne tarderait pas. Isabelle Sauvage-Verger. Oui, dépasser, là, moi j'ai quand même un petit peu de mal à le croire, parce que les budgets américains sont tellement énormes depuis tellement d'années et tellement de dizaines d'années, et le spatial est tellement au cœur de leur outil de technologie et industrielle, que je pense que la Chine est encore très très loin. Et je ne suis pas sûre que ce soit la Chine elle-même qui annonce qu'elle veut dépasser. Je pense que, comme le disait Karl, elle veut être à niveau. Et ça, c'est complètement différent. Et très souvent, quand même, quand vous regardez le spatial en dehors de la communauté spatiale en Chine, il y a un vrai souci d'économie. c'est-à-dire que l'espace n'est plus le seul domaine dans lequel la Chine peut démontrer sa toute-puissance et peut démontrer sa capacité à servir de leader et de modèle. Prenez par exemple le fameux pont avec Hong Kong dont tout le monde est en train de parler, ou prenez le TGV, ou prenez des réussites dans le domaine de la biotechnologie, et vous voyez que finalement le spatial c'est un domaine parmi d'autres pour la Chine, qui n'est pas en concurrence, me semble-t-il, avec personne, mais qui compte bien bénéficier de tous les fruits possibles et de tous les dividendes de la capacité à être une grande puissance spatiale. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h10 sur France Culture, nous parlons des puissances et des programmes spatiaux asiatiques, principalement ceux de la Chine et de l'Inde, même si, comme je le disais tout à l'heure, il sera aussi question d'élargir un peu, notamment au programme spatial du Japon. Peut-être pour commencer, refaire rapidement un historique, alors sans rentrer dans tous les détails, parce que ce serait un peu trop long et certainement un peu fastidieux, mais de rappeler l'origine, ce qui va bien nous permettre de caractériser différemment, comme vous l'avez fait tout à l'heure, Isabelle Soubert-Verger, la différence ontologique de ces deux programmes spatiaux qui sont ceux de la Chine et ceux de l'Inde. Le programme spatial de la Chine commence par une légende, alors qui est une légende historique, qui raconte que le jour où l'URSS lance Spoutnik en 1957, Mao aurait dit « Et nous ne sommes même pas capables d'envoyer une patate dans l'espace ». Oui, et ce qui est intéressant, c'est que déjà en 1956, Mao a également dit « Il faut que nous devenions une puissance spatiale ». Donc avant Spoutnik, ce qui fait qu'on voit bien que dans l'esprit de Mao et des dirigeants de l'époque, on lit tout à fait la notion de grande puissance d'un monde moderne, qui est un monde technologique, et la capacité spatiale. Et la Chine comptera sur ses propres forces, c'est le slogan qui est employé dans tous les domaines, et elle y arrivera, mais progressivement. Il faut quand même, vous avez un décalage même dans les capacités spatiales entre la Chine et le Japon, par exemple, qui est extrêmement important, mais le Japon, lui aussi, bénéficie des coopérations avec les États-Unis et a une forme de spatial dépendant, ce qui ne sera pas du tout le cas de la Chine. La difficulté de la Chine, Karl Bergquist, c'est qu'au début, évidemment, c'est une technologie, comme le disait tout à l'heure Isabelle Sourbès-Verger, qui est importée de la balistique. Ce sont d'abord des missiles qu'on commence à essayer d'envoyer un peu plus haut. Mais il va y avoir très vite un obstacle qui est à la fois la révolution culturelle d'un côté, la rupture avec l'URSS et l'impossibilité d'une collaboration internationale. Oui, tout à fait. La Chine, les années 70 et presque toutes les années 80. Les années 80, elle a commencé à travailler un tout petit peu avec le Brésil. Mais sinon, elle a été très isolée pendant cette période. Et ce n'est que les années 90, après les événements de Tiananmen, etc., qu'on a commencé à coopérer, notamment d'un point de vue européen, mais aussi les États membres de l'ESA, ils ont commencé à travailler avec la Chine, et surtout dans le domaine scientifique, je dirais. Et les difficultés, les Chinois, ils ont eu des grandes difficultés au milieu des années 90 avec leurs lanceurs. Et à l'époque, on se demandait s'ils allaient surmonter ce problème. Et en effet, ils l'ont surmonté. Je crois aussi que ce qui est important à voir quand on parle du programme spatial chinois, c'est le retour de ces centaines de milliers de scientifiques qui ont fait des études, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, qui sont revenus, qui ont commencé à remplir le, si on peut dire, le trou qu'avait créé la révolution culturelle. La révolution culturelle, vous savez, c'était plus ou moins 10 ans d'une génération de scientifiques qui n'ont pas eu la possibilité de travailler. Donc, ce retour de scientifiques est très, très important. Et ça, on commence à le voir les années 90 et qui ont, pendant très longtemps, envoyé un grand gap entre des personnes plus âgées et des tout jeunes. Isabelle Sourbès-Verger, il y a effectivement quasiment aucun, il y a des bribes de transfert de technologie entre l'URSS et la Chine, mais ça s'arrête très vite et la Chine se retrouve, comme vous le disiez, avec zéro moyen, zéro industrie, zéro scientifique, rien, à partir de zéro. C'est ça. Et progressivement, la Chine construit étape par étape avec, dans le domaine des lanceurs, une assez forte intégration quand même entre les missiles et les lanceurs. Longue Marche, qui est le grand lanceur programme. Qui deviendra Longue Marche. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a même un lanceur concurrent à l'époque de la Révolution culturelle, parce que la Révolution culturelle, c'est aussi celle des factions, et donc vous avez Pékin contre Shanghai, et de fait il y a deux filières de lanceurs. C'était, je dirais, sur le plan général, tout le monde avait, il y avait une unanimité sur la nécessité de faire du spatial et de représenter la Chine comme une très grande puissance. En revanche, il y avait un slogan qui était « Quand les satellites montent, le drapeau rouge descend ». Donc on voyait bien que c'était vraiment à la fois un mot d'ordre au plus haut niveau politique, parce que tout le monde espérait bénéficier et voir la fierté rejaillir sur sa propre faction, mais en même temps, c'était quand même loin d'être simple. Et je repense à ce que vous disiez tout à l'heure, première puissance spatiale, la Chine part quand même de loin, parce que si vous comparez la qualité de ce que vous avez entendu de la petite musique chinoise et ce que les Américains ont fait en transmettant les images d'Apollo, on mesure quand même bien que cet écart-là, il est long à se combler. Là, on est effectivement, bon, dans les années 70, la fusée Longue Marche 1 qui lance ce satellite qu'on a entendu tout à l'heure, donc Fang Hong 1. Et puis, il y a vraiment des années de stagnation, de surplace, d'échecs aussi industriels et technologiques. Oui, alors c'est pas tant de la stagnation que du temps pour apprendre. Et la grande vertu du spatial chinois, c'est que finalement, ils fonctionnent avec leur plan quinquennaux. Ils ont un objectif de long terme. Cet objectif, il est très simple. C'est arriver à faire tout ce que font les grandes puissances spatiales. Donc, c'est assez simple. Hein. Ça nécessite pas des plans stratégiques très, très compliqués. Et ensuite, derrière, ils mettent les moyens et ils mettent le temps qu'il faut. Ils ont finalement relativement peu d'échecs. Mais en revanche, ils peuvent prendre des délais. Et à partir des années 90, ils vont quand même bénéficier de l'effacement de l'URSS en tant que grande puissance spatiale. La Russie vend ses technologies, la Russie sous-traite. Elle brade Soyouz, les technologies Soyouz qui partent en Chine. Et en particulier, le programme spatial habité chinois, qui était un programme déjà antérieur, va naître, en quelque sorte, de ce bénéfice de la relation avec la Russie. Et encore aujourd'hui, vous avez des Chinois d'un certain âge qui parlent russe. C'est d'ailleurs assez intéressant dans les conférences internationales. Et en même temps, il n'y a pas de précipitation, parce que premier vol habité en 2003, on est en 2018, et il y a eu finalement une dizaine de taïkonautes qui ont volé, donc très peu de monde. Et même la station spatiale chinoise dont ils parlent, ce n'est pas du tout comparable à l'ISS, et c'est quelque chose qui ressemble beaucoup plus au programme russe. On va y arriver à ces stations spatiales. Peut-être un mot aussi, Karl Berquist, qui montre bien que tout cela a mis du temps à se mettre en place, c'est que l'agence spatiale chinoise, elle est créée très tardivement, elle est créée au début des années 90. Oui, je crois qu'il y a une chose qu'Isabelle disait qui est très importante, c'est la notion de temps qui est très très différent et qui souvent on a du mal à... qui est une des grandes différences entre notre monde et le monde chinois, c'est que le temps est mesuré très différemment. Et ça c'est très important quand on regarde le programme spatial et en effet surtout le programme des vols habités qui avance progressivement mais tout à fait à son rythme. C'est-à-dire, préciser un peu cette idée de temps différent, qu'on comprenne bien effectivement comment... Parce qu'on a le souvenir de l'effort du moonshot de Kennedy qui met tellement d'argent sur la table qu'il arrive à envoyer des hommes sur la Lune en 10 ans. On a l'impression que, effectivement, même sur des notions de financement, de répartition, de complexité de la structure de l'État et de la répartition entre les différentes agences qui sont concurrentes, comme le notait Isabelle Sourbès-Verger, il faut du temps avant de réussir à mettre tout le monde finalement derrière ce programme spatial. Tout à fait, mais si vous regardez, par exemple, le programme des vols habités, les premiers Yang Liwei, qui était le premier astronaute chinois, il a volé en 2003. Le 15 octobre 2003, c'était la mission Chengzhou 5. Oui, et depuis, il y a eu, si je ne me trompe pas, il y a eu cinq vols habités depuis. Et c'est pas, si vous comparez, par exemple, avec l'ISS, où il y a plusieurs vols par année, c'est une autre cadence. Et c'est ça... que je voulais dire, c'est-à-dire que c'est un autre rythme et qui est, évidemment, la Chine le fait, développe son programme par eux-mêmes, mais c'est un autre rythme, on avance un pas par pas, et ce qui est aussi, qui je crois est différent, je crois que ça serait été difficile en Europe, par exemple, de proposer un programme qui était à si long terme. Isabelle Sauvage-Gerger. Oui, c'est ça. En réalité, en Europe, comme aux États-Unis, vous avez besoin qu'il y ait une vraie injonction politique pour faire les choses. Alors, meilleur exemple, c'est sûrement la Lune. Mais après, on se rend bien compte avec la station que là, en revanche, quand la volonté politique manque, on a des programmes qui ont des hauts et des bas. Et on en avait parlé la dernière fois. La navette spatiale, c'est le meilleur exemple de toute une série de mauvais choix. Et finalement, la Chine, elle échappe à ça parce que d'abord, elle reçoit beaucoup moins d'argent. Il faut bien voir que de 2003 à 2018, 5 vols, ça coûte très peu cher. Et donc, mais il y a une continuité dans l'investissement sur la nécessité d'acquérir cette compétence. Après, c'est une organisation très originale, parce que vous disiez la CNSA, une agence spatiale, en fait, pas vraiment. Et c'est ça aussi qui complique la coopération avec la Chine, c'est que c'est une administration. C'est une administration qui fait le pont entre de très grandes entreprises d'État, qu'on essaie plus ou moins de privatiser, et des agences qui, elles, ont un statut d'agence en Occident. Alors, avec la Russie, c'est un petit peu plus pratique, identique parce qu'il y a quand même la même structure industrielle derrière, au moins dans l'origine et dans l'esprit. Mais c'est vrai que la coopération chinoise, administrativement, et Karl Berkus vous le dira bien mieux que moi, je pense que ça ne doit pas toujours être d'une évidence incroyable. Karl Berkus, vous avez travaillé beaucoup avec la Chine. Racontez-nous, si là, c'est justement ce que vient de décrire Isabelle Sourbès-Verger, la coopération, c'est compliqué. Alors, c'est vrai que c'est pas tout à fait facile, mais en même temps, si on se met du côté chinois et on regarde l'Europe, c'est pas facile non plus. Oui, c'est ça. Entre les États membres, l'ESA et la Commission, il y a aussi beaucoup de choses. Donc, mais c'est vrai qu'en Chine, le rôle de la CNSA, c'est plus comme fenêtre. C'est eux qui sont responsables des engagements spatiaux internationaux que fait la Chine. C'est la porte d'entrée pour la coopération spatiale en Chine. Donc, ça, c'est vraiment il faut passer on passe par la CNSA, mais on peut, l'ESA, nous, on travaille aussi avec d'autres institutions en Chine. On travaille beaucoup avec l'Académie des sciences, par exemple, et qui sont une organisation complètement différente. Et aussi le ministère des sciences et technologies, qui sont aussi une autre entité. Donc, il y a en effet beaucoup d'acteurs en Chine qui s'occupent du spatial et, qui finance, beaucoup de ces acteurs financent les projets spatiaux. Donc c'est une des raisons pour laquelle c'est si difficile de trouver un budget annuel du programme spatial chinois, c'est que l'argent vient de tellement de différentes sources, tellement de différents grands programmes de recherche, comme les programmes 863, 865 que gère le ministère des sciences et technologies en Chine avec l'Académie des sciences. Donc ça, on se perd un tout petit peu, même si ça fait très longtemps, et je crois même c'est pas toujours si facile non plus pour de l'autre côté de comprendre exactement quels sont précisément les budgets. Un dernier mot avant de passer à l'Inde et puis d'en arriver aujourd'hui au moment présent. Peut-être un dernier mot pour dire qu'aussi l'une des problématiques du programme spatial chinois, c'est qu'il y a la volonté de se mettre à niveau et de faire la même chose que les grandes puissances spatiales, mais c'est la volonté d'avancer aussi de front en même temps sur plein d'éléments du programme spatial qui ont été développés à côté en plusieurs temps, comme par exemple le programme satellite, les vols habités d'un côté, les vols commerciaux de l'autre. Tout est mené de front, en quelque sorte, Isabelle Sourbès-Verger. Oui, et du coup, ce qu'on oublie très souvent, c'est que, un petit peu comme en Inde, la Chine, elle a besoin du spatial comme élément d'infrastructure. Parce qu'il est évident que nous, en Europe, on n'y pense pas beaucoup parce qu'on a des câbles, on a de la cartographie, on a toute une série d'instruments de mise en valeur du territoire que les Chinois n'ont pas du tout. Or, pour eux, des satellites de télécom, des satellites d'observation de la Terre, c'est ce qui va leur permettre de mettre en valeur le territoire, de suivre les inondations, de suivre le développement des villes, de prévoir de l'agriculture. Et ces parties-là du programme chinois, on les ignore volontiers, alors que quand on regarde les réalisations, on s'aperçoit que dans le domaine de l'observation de la Terre et dans le domaine des télécoms, c'est là qu'ils font finalement porter leurs plus gros efforts, parce que ça a un sens immédiat pour le développement de l'économie chinoise. Et je pense que c'est un élément très très important et qui explique aussi pourquoi vous avez ces acteurs tous azimuts. Un dernier mot pour boucler avec la contemporanéité, Karl Berkquist. 2011, un symbole important, la Chine dépasse les États-Unis par le nombre de lancements dans l'année. Cette année, oui. En 2011. Oui, à partir de 2011, 19 oui, tirs contre 18 oui, tout à fait. Aux États-Unis. Cette année, elle sera là. Probablement, je crois qu'ils sont cette année à 28 lancements, oui. Et là, en effet, si je regarde 2011, ça, c'est juste entre les années avec les problèmes avec le shuttle ainsi de suite, qui fait que c'est avec les leur navette États-Unis spatiale baissent voilà, en, oui, c'est, en, baissent voilà, en c'est cadence ça. C'est la fin remonter. De la navette spatiale américaine. C'est ça, parce voilà. que les Américains sont évidemment en train de remonter. Je crois que avec SpaceX, ils ont une cadence de lancement qui est impressionnante aujourd'hui aussi. Isabelle Sourbès. Oui, ce qui est encore plus impressionnant, moi je dirais, parce que le nombre de tirs, ça ne prouve pas grand-chose dans la mesure où tout dépend de la capacité du satellite que vous envoyez et surtout de la durée de vie du satellite, parce que s'il ne dure pas très longtemps, parce qu'il n'est pas très performant, vous êtes amené à retirer souvent. Ce qui est surtout très original, c'est que la Chine ne lance quasiment que des satellites chinois. Donc ça veut dire qu'elle lance les satellites dont elle a besoin pour son programme propre. Or, les États-Unis avec SpaceX vont effectivement lancer de plus en plus, mais ils vont lancer des satellites internationaux. Et surtout, la grande différence, c'est que quand même le nombre de satellites militaires américains par rapport au nombre de satellites chinois et surtout militaire, et surtout l'investissement dans le domaine du militaire de part et d'autre est complètement disproportionnée, les États-Unis mettant beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent dans leur capacité spatiale militaire, qui sont un élément aujourd'hui de leur sécurité nationale, que ne le font les Chinois, qui n'ont pas atteint le même niveau technologique. On va essayer de refaire maintenant un tour de l'histoire spatiale indienne, qui est une histoire radicalement différente et qui a, vous l'avez dit tout à l'heure, Isabelle Sourbès-Verger, qui est dès le départ un programme civil, coopératif, collaboratif, indépendant. Oui, et d'ailleurs Vikram Sarabhai, qui est vraiment le père du programme spatial indien, dont vous trouvez la photo si vous allez sur le site de l'agence spatiale indienne qui s'appelle l'ISRO, insiste beaucoup sur le fait que l'Inde ne doit pas avoir des ambitions inutiles. Et en particulier, l'homme dans l'espace, pour lui, c'est une ambition totalement inutile. Ce qui est d'ailleurs assez amusant parce qu'aujourd'hui, finalement, cette décision qui a été réitérée par le Premier ministre Modi de faire du spatial habité, eh bien finalement, on l'a justifié en disant ben « maintenant, l'Inde, elle est sortie de cet état de pays en voie de développement et donc du coup, elle peut faire ce que font les autres et montrer qu'elle est compétente aussi dans ce domaine-là ». C'est assez faible à mon sens comme argument parce que le spatial habité a quand même un petit peu de mal à montrer qu'il a un effet d'entraînement énorme sur une économie et qu'il y a encore quand même beaucoup de problèmes en Inde en termes de développement et de mise à niveau de la population qui font que là, je pense que le programme habité va prendre du temps et va pas non plus avoir des budgets exceptionnels. Mais Vikram Sarabhai, il a un avantage extraordinaire, c'est qu'il fait partie de cette petite communauté de scientifiques internationaux et donc il va très vite nouer des liens avec les États-Unis bien sûr, mais aussi avec l'Europe et la France sera un des premiers pays partenaires. Et si vous prenez le site de Trivandrum qui est tout à fait à la pointe de l'Inde, ça va être le premier site international des Nations Unies pour les fusées sondes et ils réussiront même à y associer l'Union soviétique. Donc vous avez un programme de coopération internationale scientifique, et ça c'est vraiment la grande différence avec la Chine, indien, qui se situe effectivement dans les années 60-70 à la pointe de l'Inde. Dès le départ, Carl Bergquist, la NASA accueille des petites équipes scientifiques pour, indiennes pour les initier à l'assemblage et au lancement de fusées, et puis très vite, l'Inde va bénéficier également de transferts de compétences de l'URSS. Oui, et aussi une coopération avec pour l'Europe. Et avec les gens, on va en parler dans un instant, bien sûr. Notamment, c'était un des premiers clients d'Ariane Espace. Donc ça, c'est quelque chose de très important avec le satellite Apollo indien. Mais ce qui est en effet vraiment la chose qui frappe quand on regarde ces deux programmes, c'est cet aspect dont vous avez mentionné, Isabelle et vous, le fait que c'est vraiment un espace utile. Qui est justement, même il y a une quinzaine d'années, l'Inde était déjà dans des applications, travaillait déjà dessus d'une manière que, quelque part, ils étaient à cette période-là, avant beaucoup, beaucoup d'autres, sur la réflexion de comment l'espace pouvait servir le développement du pays. Mais ça, c'est la chose qui est, que je trouve la plus importante avec ce programme indien. Et notamment, ce qui est intéressant à voir, c'est cette décision du Premier ministre de se lancer dans les vols habités, qui est un peu un changement de cette politique spatiale, oui. D'ici 2022, on va en reparler tout à l'heure. Peut-être un mot tout de même pour comprendre ce cheminement technologique et scientifique. Les lanceurs de l'Inde au début commencent par mettre en orbite des très petites charges et puis vont petit à petit monter en puissance. Mais vraiment, ils commencent petits en mettant en orbite basse une dizaine, puis une centaine de kilos. Et puis aujourd'hui, ils arrivent à mettre 4 tonnes avec leur propre lanceur et en autonomie totale. Oui, et alors en même temps, pour un lanceur géostationnaire, enfin pour lancer des gros satellites sur orbite géostationnaire, l'Inde n'est que très récemment parvenue à avoir cette capacité. Et elle a contourné ce problème, et c'est ça qui est très intéressant avec l'originalité des ingénieurs indiens, puisqu'elle a réussi à envoyer avec son fameux petit lanceur, le PSLV, une sonde autour de Mars, le faisant avant la Chine. Et c'est là que tout à l'heure vous parliez d'une course spatiale. Il n'y a pas véritablement une course, mais il y a une émulation, car l'Inde avait très très mal vécu que finalement sa sonde lunaire ne soit pas du tout traitée en termes de médiation internationale au niveau où était traitée la Chine, parce que la Chine fait peur d'une façon générale. Et d'ailleurs, cette idée de la première puissance spatiale, je ne suis même pas sûre que ce soit une revendication chinoise, mais en revanche, c'est un leitmotiv des Américains et des Occidentaux pour un petit peu susciter leur propre politique à remettre un peu d'argent et à se motiver un petit peu plus. Et l'Inde avait quand même fait ce programme très original qui n'est pas de la très grande science, qui n'est pas une chose extrêmement compliquée, mais avec un petit lanceur, de prendre le temps qu'il fallait, puisque effectivement, si vous propulsez votre sonde moins loin, moins vite, et ça prend plus de temps pour y aller, mais de réussir à y aller Et ça, ça a été quand même une très grande victoire du spatial indien, à un coût incroyable, puisque tout le monde insiste sur le fait que ça a coûté le budget du film Gravity. Et moi, en général, quand on me dit ça, je plaisante un petit peu en disant que probablement que le film Gravity a quand même directement plus rapporté aux producteurs que le programme Mangalayaan. Mais... il y a une autre grande victoire et une autre grande fierté du programme national et spatial indien, c'est Chandrayaan, la sonde lunaire en 2008. Oui, mais elle n'a pas du tout été traitée de la même façon qu'on a traité les sondes chinoises Chang'e, où là, ça devenait, dans les discours américains, la Chine revient sur la Lune, alors que nous n'y sommes plus, et où il y avait une forme quand même totalement d'hystérie, totalement disproportionnée. Alors, comme on le disait tout à l'heure, la France fait partie des pays avec lesquels l'Inde a collaboré. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu au laboratoire de météorologie dynamique à l'école polytechnique, à la rencontre d'un physicien qui travaille sur une mission spatiale franco-indienne. Oui, cette mission concerne Mégatropique, qui concerne un satellite spécialisé en hydrométéorologie dans les zones tropicales. Le projet est né entre l'ISRO et le CNES en 1993 et le lancement a eu lieu en 2011. Le but, c'était d'étudier l'atmosphère tropicale, là où se forment les phénomènes violents comme les cyclones ou bien les moussons. Cette mission est donc majeure pour comprendre l'évolution du climat global sur Terre. J'ai retrouvé donc un des premiers participants au projet, il s'appelle Michel Capderoux, physicien du climat et chercheur en mécanique spatiale. Il m'a raconté sa contribution depuis les débuts et aussi comment s'est fait le travail de collaboration avec les équipes indiennes. L'idée au début, c'était un satellite de recherche. Les Indiens étaient d'accord pour ça. Ensuite, voyant que, bon, parce que ce qui a toujours étonné les Indiens et les autres, c'est que la France lance un satellite qui ne passe pas sur la France. Oui, la France lance un satellite qui ne passe pas sur la France. En fait, il passait un peu sur la France, a remarqué la météo nationale, parce qu'il passait sur la Réunion et sur les Antilles. Donc la météo a dit, ça serait bien que ça devienne un satellite opérationnel, c'est-à-dire qui donne les valeurs obtenues en direct. Et donc, comme c'est toujours donnant, l'MD, le CNES ont obtenu de nouvelles stations de réception. Ce qui fait que les données de Mégatropique sont recueillies en continu. Est-ce qu'il y avait un savoir-faire typiquement français à l'époque que les Indiens pouvaient rechercher ? Ou l'inverse, comment s'est fait cette alliance ? Alors cette alliance, on avait déjà des collaborations avec l'Inde, et donc on a eu l'idée d'aller demander aux Indiens. Les Indiens ont été très preneurs d'entrée, et le partage s'est fait un peu, les Français ont fait les instruments, et les Indiens ont fait la plateforme de satellite, quoi, et le lancement de la fusée. Alors le satellite a embarqué en principal 3 radiomètres. Oui. Quels étaient les objectifs de ces 3 instruments, et est-ce qu'ils sont toujours utilisés aujourd'hui ? Oui, donc, il y avait un instrument principal qui s'appelait Madras, où les Indiens avaient fabriqué quelques éléments plus ou moins mécaniques. Ensuite, il y avait un instrument Saphir, dont les données sont actuellement utilisées par la météo. Et puis, un instrument pour le bilan radiatif qui s'appelle Scarab. Moi, ma contribution, au début, c'était l'étude avec les autres chercheurs, des phénomènes d'énergie, si on peut dire, de l'eau. Mais rapidement, je me suis spécialisé dans l'orbite du satellite. Et aujourd'hui, actuellement, vous traitez toujours les données en provenance de ces radiomètres embarqués sur Mégatropique. Comment vous travaillez avec ça ? Oui, alors donc, le projet a commencé en 1993 et le satellite a été lancé le 11 octobre 2011. Et depuis cette date, on reçoit les données. Donc ça va faire 7 ans qu'il vole, c'est bien. Il faut savoir qu'un satellite comme ça, il est prévu pour 3 ans minimum. Si c'est moins de 3 ans, c'est une catastrophe. Et si c'est plus de 5 ans, c'est tout du bonus. Donc là, 7 ans, c'est très bien. Puisque le projet a été reconduit, il y a une extension. Voilà, il y a une extension. Alors l'extension, ça veut dire que le satellite est maintenu. Vous savez que le satellite, les Indiens font ça très bien d'ailleurs. Le satellite est remis sur son orbite parce qu'il a tendance à baisser un peu. Et donc le fait que ça soit reconnu, ça veut dire qu'on donne des crédits pour l'analyse des données, etc. Est-ce qu'on pourrait voir à quoi ressemble le type de données que vous recevez du satellite et ce que vous en faites ? Alors, il y a plusieurs niveaux de données. Il y a des données brutes, c'est-à-dire ceux qui sortent d'un soin de satellite. Après, il y a un niveau un peu au-dessus, dans lequel ces données brutes, on y met la position du satellite, l'éclairement du soleil, etc. Et puis, il y a encore un autre niveau où elles sont traitées, interprétées, etc. Alors, par exemple, le satellite, de temps en temps, il faut le tourner, comme on dit. Parce que, d'après l'éclairement du soleil, il faut que les panneaux solaires soient éclairés au maximum. Alors ça, moi, je suis calculé. Vous avez ici cette courbe qui montre à chaque fois qu'il faut retourner le satellite. Alors, vous avez des dates ici. Et à chaque date, ça veut dire qu'il faut faire une manœuvre pour retourner le satellite. La courbe que vous voyez, c'est un angle que fait le Soleil avec le plan de l'orbite du satellite. Et donc, vous voyez que cet angle varie entre 0 et... Entre 0 et 40 degrés. 45, oui, oui. Ça, c'est dû à l'inclinaison du satellite, c'est dû à la déclinaison du Soleil. On peut voir que c'est 20 degrés d'inclinaison du satellite, plus 23 degrés, ce qu'on appelle l'obliquité. Donc, ça fait 43. Donc, elle va varier entre plus 43 et moins 43. Mais quand c'est négatif, ça veut dire que les panneaux solaires sont écrits par en dessous. Donc, ça ne marche pas. À ce moment-là, on retourne le satellite. Et chaque fois qu'on le retourne, vous avez un point noir là, qui montre que c'est la date à laquelle il faut le retourner. D'accord, donc on voit qu'il faut le retourner... 2019 par exemple. Une fois par an. À peu près, oui, c'est ça. Voilà, alors ça c'est un travail que font les Indiens. Moi là, c'est des calculs théoriques qui sont faits. Après, je constate que ça marche bien. Mais on s'en sert ça parce que de temps en temps, il peut y avoir un manque de données pendant quelques temps, quelques heures. Donc pour savoir que ce manque de données n'est pas dû à une panne, ça sert de savoir quand est-ce qu'on retourne satellite. Ça s'appelle une manœuvre de flip. Est-ce que la manière de travailler est différente du côté de l'équipe indienne ou par rapport à celle du CNES? Est-ce que l'approche est différente? Moi, ce que j'en ai vu, la gestion est quand même assez différente. Au début, on avait l'impression que l'Inde prenait du retard. Après, ils ont mis des ingénieurs en 3 bits, par exemple, ce qui ne se fait pas en France. Ils ont rattrapé ce retard, donc ils gèrent différemment. Mais toujours est-il que l'Inde a beaucoup, beaucoup investi dans le spatial, à tous les niveaux. Elle a cherché des coopérations assez vite, et la France en a fait pas mal. Il y a aussi qu'actuellement, la Chine a un développement dans le spatial qui est inimaginable. C'est-à-dire qu'en gros, la Chine lance actuellement la moitié de tous les satellites qui sont lancés sont chinois. Et donc, tu sais qu'il y a une rivalité Inde-Chine. Mais bon, l'Inde a continué à son rythme. Elle avait de très bons satellites, en particulier pour un satellite qui s'appelle Cartosat, qui donne des très très bons résultats de télédétection. Voilà les collaborations entre le CNES et l'agence spatiale indienne, l'ISRO, et toujours sur fond de rivalité, comme on peut l'entendre, entre l'Inde et la Chine. On verra si c'est une réalité, peut-être une réaction, Karl Bergquist, aujourd'hui. Quelle est la réalité, justement, des collaborations entre l'agence spatiale européenne et l'agence spatiale indienne? Karl Bergquist, ah, peut-être qu'on vous a perdu, allô? Je crains qu'on l'ait perdu. Ah non, ça y est, je vous entends à nouveau. Excusez-moi. Pas de problème. D'abord pour la question de rivalité, je suis pas sûr que c'est tant une rivalité entre ces deux, telle qu'on la voit comme par exemple pendant la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis. Je crois qu'ils sont chacun dans son monde un tout petit peu. De la part de l'ESA, nous, l'ESA a participé avec des instruments sur la mission Chandrayaan, la mission lunaire, première mission lunaire de ISRO. Nous avons aussi coopéré avec les Chinois sur Chang'e. Et quelque part, ce qu'on essaie de faire... Également, hein. Pardon? Chang'e, qui est la mission lunaire aussi de la Chine. Tout à fait, voilà. Oui. Donc, pour ça, je crois que l'Europe essaie d'être assez ouverte et justement de démontrer qu'on peut travailler avec tout le monde. On peut travailler avec la Russie, les États-Unis, la Chine et l'Inde. Nous n'avons pas de problème particulier. S'il y a un intérêt pour nous de travailler ensemble, on le trouve. Et justement, je sais qu'aujourd'hui, on est en train de, justement, avec ISRO, de réfléchir à comment travailler ensemble dans le futur. Isabelle Sourbès-Verger, sur ce reportage et sur la collaboration franco-indienne. Oui, ben, par exemple, il y avait quand même une photo qui est un petit peu iconique, qui est une photo de Cartier-Bresson, dans laquelle on voit Jacques Blamont, qui est un personnage important du spatial français, qui, dans les années 60, à côté de Vikram Sarabhai, regarde sur une plage une des premières fusées sondes qui emporte justement un petit bol de sodium qui a été amené par la France et dans, en quelque sorte, une forme de redisposition de la coopération qui avait été faite initialement avec les États-Unis. Donc cette coopération, elle est extrêmement ancienne. C'est vrai que la France est vue comme un partenaire de cœur volontiers par l'Inde. Bon, après, l'Inde aujourd'hui, elle est quand même très intéressée par les grands partenaires que peuvent être les États-Unis, l'ESA et la Russie, avec là encore, et ça c'est intéressant, une relation privilégiée à la Russie qui est un petit peu mise à mal aujourd'hui par les difficultés technologiques du secteur spatial russe et sa difficulté peut-être à se moderniser. One, two, three, four. satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love, bong bong bong, satellite of love, bong bong bong, satellite of love, satellite of. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of Love de Lou Reed, puisque nous parlons de satellites, beaucoup moins d'amour, mais quoi qu'il y a toujours un peu d'amour dans le spatial. Nous parlons des programmes spatiaux de l'Inde et de la Chine, de l'Asie en général, on va dire un mot aussi peut-être du programme spatial japonais. Nous en parlons avec Isabelle Sourbès-Verger, qui est géographe, directrice de recherche CNRS au Centre Alexandre Coiré, autrice de Un empire très céleste, La Chine à la conquête de l'espace, c'est chez Dunod, et en duplex depuis les studios de confrères de la Danish Radio à Copenhague avec Carl Berquist, qui est administrateur des relations internationales de l'Agence spatiale européenne. Alors, un mot aujourd'hui sur l'avenir, en fait, sur le présent et l'avenir de ces programmes spatiaux. Isabelle Sourbès-Verger, vous vouliez réintroduire le Japon. Le Japon a une place à part un peu par rapport à la Chine et à l'Inde. C'est un programme spatial plus ancien, plus fragile aussi d'une certaine manière. C'est un programme spatial complètement différent parce que, d'une manière générale, très souvent, le spatial, c'est aussi une manière de s'afficher et la dimension géopolitique et de soft power du spatial, elle est quand même toujours relativement importante. Mais ça, c'est quelque chose que l'ESA connaît aussi, une difficulté à dépasser un intérêt national. Et le Japon, lui, il veut apparaître comme une grande puissance technologique et une puissance, je dirais, qui aide. Et en particulier, vous avez des programmes japonais sur la gestion des désastres qui lui permet d'avoir un rôle dans cette zone où quand même son passé le rend très fragile. Et en revanche, la technologie très sophistiquée du spatial japonais, très fortement en coopération d'abord avec les États-Unis, dans une moindre mesure avec l'Europe, lui permet d'avoir des résultats tout à fait exceptionnels, mais mal connus, parce que précisément ça ne cale pas sur une image de grande puissance. Et en particulier, le Japon a été quand même le premier à faire des retours d'échantillons d'astéroïdes, ce qui est une mission absolument fantastique. C'est encore le cas avec la mission Hayabusa qui est en cours. Qui est la suite de ce programme spatial japonais. Un mot aujourd'hui, du coup, effectivement, sur ce paysage spatial que l'on appelle aujourd'hui le New Space, qui a été bouleversé par l'irruption d'acteurs privés qui se substituent aux agences et aux programmes nationaux. On en a beaucoup parlé au cours de cette heure. Quels sont aujourd'hui, vous le disiez l'un et l'autre, Carl Berquist, aujourd'hui la volonté affichée de l'Inde d'envoyer des hommes dans l'espace, elle est discutable, elle marque en tout cas un virage dans toute l'histoire de ce programme spatial qu'on a décrit, qui était relativement cohérent jusqu'à présent et qui prend effectivement un nouveau tour. Pourquoi, à votre avis? Absolument. Le pourquoi, ça, c'est une vague question. Oui. Je ne sais pas si Isabelle connaît les raisons secrètes et cachées. Comment vous l'interprétez en tout cas ce virage, Carl Bergquist? Je crois aussi qu'avec ce genre de programme, avec ce genre de grand investissement, il y a aussi on force le développement technologique, il y a un resserrement des institutions. Je crois qu'il y a quelque chose qui est important. Je crois aussi que peut-être que c'est une volonté politique, ça, je ne sais pas, mais c'est de sortir un peu, de montrer que l'Inde est une grande puissance, qui a un programme de vols habités. Si j'imagine que les Indiens vont chercher la collaboration internationale sur ce programme de vols habités, c'est un peu difficile. Je ne suis pas un expert du programme indien. Peut-être Isabelle peut dire plus sur ça. Peut-être qu'on peut déjà faire un tour d'horizon aujourd'hui sur la quantité d'investissement. Alors c'est toujours difficile. On sait qu'on a du mal à la quantifier, mais en tout cas ça donne en tout cas des ordres de grandeur par rapport à la NASA. Quels sont les investissements des agences spatiales chinoises et indiennes? Oui, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que on va dire la NASA, elle toute seule, elle est autour de 20 milliards de dollars. Le programme spatial américain avec la partie militaire, il est supérieur à 40 milliards de dollars. Et pour les technologies, ça compte, parce que finalement, l'industriel qui est derrière, lui, récupère des deux côtés. Le budget spatial indien, aujourd'hui, c'est 1,5 milliard de dollars. Et le budget spatial chinois, comme le disait Carl Bergquist, on ne le connaît pas précisément, mais on va dire qu'il est peut-être autour de 7-8 milliards de dollars. Donc, on est quand même très, très, très, très, très loin du budget américain. Et donc, vous avez cette culture du spatial indien que vous évoquiez tout à l'heure, de Jugad, qui est la frugalité, et où on essaie finalement de développer un rapport coût-efficacité qui soit le meilleur possible et avec des défauts. Par exemple, aujourd'hui, les utilisateurs indiens se plaignent beaucoup du déficit en télécom spatial. Ils n'ont toujours pas réussi à avoir des satellites qui donnent suffisamment de canaux et de possibilités d'utiliser, d'autant plus qu'ils font du téléenseignement, de la télémédecine, etc. etc. Donc ça, je pense que côté indien, l'originalité, c'est à la fois d'essayer de garder un programme d'État, puisque c'est encore une de ces choses extraordinaires, il n'y a pas vraiment d'industrie spatiale indienne. Aujourd'hui, c'est l'ISRO qui assure le développement des lanceurs, qui fabrique les satellites, et vous ne voyez qu'apparaître des acteurs indiens à la marge de ce programme, qui vont peut-être être réintroduits au travers du New Space et donc de cette culture de nouveaux acteurs qui interviennent dans le spatial, mais qui montrent bien que finalement il n'y a pas de rentabilité immédiate d'un programme spatial quand vous en êtes juste à faire des cœurs d'infrastructure comme ce que fait l'Inde. Et puis il y a aussi peut-être une volonté géopolitique, puisqu'il n'y a pas d'espace sans géopolitique, de se réimposer comme une puissance régionale en permettant de l'accès à de l'espace à d'autres pays de l'Asie qui eux n'ont pas de programme nationaux et qui seraient incapables d'y avoir accès compte tenu des tarifs que pratiquent les grandes agences ou les autres acteurs privés. Oui, alors ça, l'ISRO, elle a de ce point de vue-là une célébrité très récente, puisqu'en 2017, elle a réussi à lancer avec un tir de PSLV plus de 103 satellites, dont énormément de CubeSat. Des CubeSat, c'est des tout petits satellites qui peuvent faire 1 kilo de 20 à 5 ou 10 kilos. Donc, mais en réalité, je dirais que les besoins indiens sont tellement importants que ça occupe la totalité de leur capacité de lanceur, surtout que les lanceurs géostationnaires sont pas encore en modèle de production très fort. C'est plutôt la Chine qui essaie de faire ça, parce que la Chine, elle a un autre avantage, c'est que comme elle est totalement autonome des transferts de technologie américains, puisqu'elle a tout fait toute seule, eh bien finalement, elle peut se permettre de lancer n'importe quel satellite de n'importe quel pays sans autorisation américaine. Et ça, dans le monde du spatial, c'est extrêmement rare, puisque sinon, eh bien effectivement, dès lors qu'un satellite à des composants américains, vous devez avoir une autorisation des États-Unis pour transférer ces technologies et faire lancer ce satellite. Du côté de la Chine, on entend clairement, Carl Bergquist, des discours qui sont des discours qui s'inspirent, qui ont la volonté de marquer les esprits. On parle d'un village lunaire, on parle d'une nouvelle station spatiale, avec évidemment des programmes martiens. Il y a là, pour le coup, un effet d'annonce géopolitique très très fort. Oui, c'est ça. Je crois qu'il y a en effet, il y a les effets annonces et puis après il y a les vrais programmes. Et c'est comme on connaît pas toujours très bien exactement, c'est plus difficile en Chine de différencier entre les programmes officiels et les études, donc on mélange un tout petit peu. Je crois qu'aujourd'hui la Chine est concentrée sur leur programme de vols habités. Ils sont concentrés sur le programme d'exploration lunaire avec les programmes Chang'e 4, 5 et 6 aussi, qui sont déjà très ambitieux. Ensuite, il y a beaucoup d'idées sur comment continuer, éventuellement justement de faire une base lunaire robotique à premier abord, et puis ensuite voir comment ça se tourne. Mais là, on parle déjà de 2030, 2035, donc on est à très très longue perspective, et beaucoup de choses peuvent arriver jusqu'à cette date. Isabelle Sourbès-Verger. Oui, je pense qu'il y a une vraie difficulté à garder en mémoire, c'est cette espèce d'effet de résonance que les Américains veulent faire systématiquement sur le programme spatial chinois et qui leur permet de revenir dans des schémas dont ils ont l'habitude, à savoir on court contre un concurrent, on court contre un adversaire et il faut maintenir l'avance. Et ça, c'était bien tant qu'il y avait l'Union soviétique, il n'y a plus l'Union soviétique, la Russie a ses propres difficultés et d'un seul coup, miraculeusement, la Chine, qui est un concurrent commercial, qui est un concurrent économique, vient remplir ce trou laissé par la Russie. Et moi, je suis très, très sensible à finalement la modestie des annonces officielles chinoises comparées à ce que nous, on en dit et à ce qu'on en lit. Et cette idée du secret, c'est vrai que le spatial chinois est loin d'être transparent, je suis la première à le regretter, mais en même temps, vous allez trouver des déclarations d'Américains qui ne reposent sur aucune déclaration précise. Et si par hasard un journaliste leur en fait la remarque, ils disent « Ah oui, mais c'est parce que c'est un programme secret et opaque, et donc ils n'en parlent pas exprès. » Et ce n'est pas tout à fait ça. Et tout simplement, la Chine ne veut pas investir des sommes extravagantes sur des programmes qu'elle ne maîtrise pas. Quant à savoir si un jour il y aura un Chinois sur la Lune, je pense là aussi, comme le sous-entend Carl Bergquist, que ça en dépendra beaucoup de ce que feront les autres. C'est-à-dire que si finalement l'exploitation robotique semble être la meilleure voie, et que les États-Unis, l'Europe, la Russie se contentent d'une exploration robotique, bah, la Chine fera pareil. Mmh. Il y a tout de même ce projet qui, là, pour le coup, est un projet engagé. Il y a eu deux petites micro-stations spatiales, un peu sur le modèle de Mir que de l'ISS. Il y a un programme de stations spatiales chinoises qui a pour ambition de prendre le relais de l'ISS qui arrive en fin de vie. Oui, et d'ailleurs c'est très intéressant parce que du coup ça amène les astronautes à apprendre le chinois après avoir appris le russe, donc on va dire que ça fait beaucoup pour le plurilinguisme, mais c'est vrai que le programme chinois, ils vont s'en servir un peu comme la Russie s'en servait, c'est-à-dire on va inviter quelques ressortissants de temps en temps dans le cadre d'une grande déclaration de diplomatie spatiale. Mais au final, cette station, on n'est même pas sûr qu'elle sera occupée en permanence. Ça va coûter de l'argent de faire le ravitaillement. C'est une expérimentation et ça a du sens pour les Chinois de démontrer qu'ils sont capables de le faire et qu'ils pourront être des partenaires à jeu égal quand se feront, par exemple, les grandes expéditions martiennes. Ça a peut-être du sens, effectivement, pour les Chinois, pour le programme spatial chinois. On ne cesse de dire que l'ISS, finalement, c'est le laboratoire le plus cher du monde, Carl Bergquist, que ça a eu cette vertu de faire passer la conquête spatiale d'une tension bipolaire à un grand programme de coordination et de coopération internationale, mais que, grosso modo, ça ne sert plus à rien, que ça n'a plus aucun intérêt d'envoyer des hommes dans l'espace et que cette station spatiale internationale, elle n'est plus un symbole aujourd'hui qu'un outil de l'exploration spatiale. Ça, c'est une vision, mais je crois que nous... On préfère dire, la station spatiale a généré beaucoup de, et génère, continue à générer. Ça, c'est le retour scientifique qu'on en garde de cette, c'est ça la partie importante de cette station. À part, on oublie souvent la raison aussi de la création de ISS qui était quand même qui a été la décision de commencer ISS était très importante juste à la fin de la guerre froide de travailler ensemble. C'était un moment très très important et c'est un symbole de cette entente qui était, qu'on oublie un tout petit peu aujourd'hui, mais qui était le partenariat, c'est quelque chose de très important. Et vous voyez aujourd'hui comment, même s'il y a des difficultés ou des différends politiques, comment le partenariat ISS continue à marcher et marche très très bien. Mais ma question portait plus sur finalement aujourd'hui la valeur scientifique, outre le symbole d'une station, d'une nouvelle ou d'une suite à l'ISS qui serait stricto sensu chinoise et qui pourrait accueillir de façon ponctuelle un astronaute ou un cosmonaute ou un spationaute français. Alors, les expériences continuent. On continue à faire des expériences tous les jours sur la station spatiale, qui sont ensuite ramenées, qui sont discutées, et ainsi de suite. Le jour où il y aura, pour l'Europe, on essaye de travailler avec les Chinois. On commence à travailler avec eux sur leur future station spatiale, justement, en vue de continuer ces expériences. Isabelle Sourbès-Verger. Oui, et surtout l'ISS a quand même exclu pour des tas de raisons les Chinois, les Indiens et un certain nombre de pays. Et donc pour la Chine, il n'y avait pas beaucoup d'autres possibilités là encore que de faire par elle-même et de le faire dans le suivi d'une coopération initialement faite avec les Russes, ce qui fait que typiquement, elle a des, même des vaisseaux qui sont plus ou moins compatibles avec l'ISS, sauf que là, on est dans des programmes parallèles et qu'on est un petit peu dans un héritage de l'histoire. Un dernier mot, peut-être pour conclure, il y a donc ce programme de station spatiale, il y a également la Chine court après Mars et rentrée dans la course à Mars. On a eu la course à la Lune, on est aujourd'hui engagé dans une course à Mars. Est-ce que la Chine a aujourd'hui les moyens, les compétences, le financement nécessaire pour pouvoir être à jeu égal avec les programmes américains, Mars 2020 ou ExoMars européen? À mon sens, il n'y a pas de course à Mars, hein, parce que ça coûte beaucoup trop cher et que personne ne se sent tenu de tenir une date limite. Donc la Chine, c'est pareil, elle va sur Mars, parce qu'en plus les Indiens y sont allés, ça quand même c'est un problème, mais elle y va pour apprendre et pour développer sa technologie. On ne sait pas très bien quand même ce qu'on fera de Mars et ce qu'on fera des voyages martiens. Et il y a aussi un élément important, c'est que plus vous êtes un nouveau venu dans le spatial, plus c'est difficile de faire de la bonne science, parce que vous arrivez déjà en retard et la science facile, elle a déjà été faite. Donc là, il faut être peut-être plus créatif et imaginatif, d'où d'ailleurs autour de la Lune cette idée du robot chinois qui va être sur la face cachée et qui permettra de valoriser justement une expérience chinoise. Karl Bergquist sur la course à Mars. La course à Mars, je suis d'accord que ce n'est pas, pour nous, c'est pas une course et je ne crois pas que c'est une course pour les Chinois non plus. C'est plus une évolution de leur programme lunaire de commencer aussi à regarder sur Mars. Ils ont un programme très ambitieux martien. Avec un orbiteur et un lander qui est censé d'atterrir sur Mars en 2020. Et je crois qu'ils travaillent beaucoup, beaucoup là-dessus. C'est quelque chose, je crois que c'est une étape normale aussi pour la Chine de commencer leur exploration après la Lune, de regarder aussi un peu ce qui se passe sur Mars. Chaque grande agence internationale a son fait de gloire un peu. Ça a pu être justement les rovers martiens pour la NASA, ça a été Rosetta pour l'ESA. Est-ce que il y a quelque chose dans le programme indien ou dans le programme russe qui pourrait justement sortir de la mise à niveau avec la compétition internationale, qui pourrait être une sorte de fait d'arme spatiale, Karl Bergquist? Je comprends pas tout à fait. Quelque chose, un fait marquant pour les Chinois. Oui, oui, pour les Chinois, pour les Indiens d'ailleurs. Oui, pour les Chinois, évidemment, c'est le premier lancement avec Yang Liwei. Ça, c'est un moment très important. Je dis dans le futur, pardon, dans le futur. Dans le programme spatial, je ne sais pas, d'autres destinations qui seraient pour le coup un champ réservé. Oui, la mission Chang'e 5 avec un retour avec des échantillons lunaires sur Terre est un moment très très important. Et ça, c'est une nouvelle étape, c'est une autre complexité de technologie que va faire cette mission, qui va donc atterrir sur la Lune, ramasser les échantillons et les transporter en retour sur la Terre. Isabelle Sourbès-Verger pour conclure. Oui, il y a ces idées effectivement aussi d'un télescope au point de Lagrange ou des choses qui sont technologiquement très compliquées. Et puis il y a des choses amusantes dont j'aimerais bien vérifier la véracité et dont vous avez récemment parlé dans les médias, qui est cette idée d'un satellite qui éclairerait la ville de Chengdu. Et ça, je trouve ça très très très drôle, parce que d'abord j'ai regardé. Oui, mais enfin là j'ai regardé d'un peu plus près. Et je pense qu'on est dans un des bons exemples de comment on veut rêver sur la Chine et comment on a un petit problème aussi parfois de crédibilité des informations. De science-fiction. On va mettre le lien sur le fil Twitter, c'est pour ça qu'on voulait pas en parler, parce qu'on trouvait ça un petit peu gros. Mais merci en tout cas tous les deux. Merci beaucoup Karl Bergquist, merci à nos camarades de la Danish Radio à Copenhague pour avoir rendu le duplex possible. Merci Isabelle Sourbès-Verger. Je rappelle que vous êtes autrice de Un empire très céleste, la Chine à la conquête de l'espace. C'est aux éditions Dunod. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Tobium Denstock, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, nous irons aux frontières non pas de l'espace mais de la science-fiction, dans un monde où les machines peuvent lire nos pensées, où nous pouvons contrôler les machines par la seule pensée également. Ce monde, il existe, c'est déjà aujourd'hui, ou plutôt c'est demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.